La délégation de la Confédération travailliste du Vietnam, conduite par son vice-président Vinh Ban Ung, la délégation des jeunes étudiants coréens au Japon, conduite par Lee Kwang-il, chef de département du présidium du comité central de l'Union de la jeunesse coréenne au Japon, ainsi que d'autres personnalités étrangères et compatriotes coréens d'outre-mer, ont déposé le 4 juillet les bouquets de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il sur la colline Mansu, avant de rendre hommage. La délégation de la Confédération travailliste du Vietnam et la délégation des jeunes étudiants coréens au Japon sont arrivés le même jour à Pyongyang par avion.